Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour ce 51e numéro de Sur nos écrans, durant lequel nous allons faire le bilan de la 6e saison de la série d'AMC The Walking Dead. Une saison qui s'est terminée, vous le savez, par un cliffhanger qui ne manquera pas de faire débat au sein de cette émission. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 51e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi cette semaine pour parler zombies, Arnaud. Salut. Elodie. Bonjour. Et Irish. Salut. Fidèle au poste quand il s'agit de The Walking Dead, tous les quatre. Ah. Évidemment. Évidemment. Chacun a ses petites séries spécialisées. Elodie, on va dire que c'est ton moment ce soir. Exactement. Moment de gloire, je suis pas sûre, mais. On verra. En tout cas, moi, c'est quoi ? Tu as teasé sur Twitter, j'ai vu ce matin, presque un clash. Ah bah, je sens qu'on ne sera pas tous d'accord. Donc on va voir si on va être à la hauteur de ce que tu as annoncé aux auditeurs. Avant ça, on n'a pas fait de bilan depuis un petit moment de ce qu'on a regardé niveau série, parce que la semaine dernière, on a parlé de Batman v Superman, si je ne me trompe pas, et du coup, on n'avait pas... Non, The Big Boy. Ah oui, et puis de Batman v Superman, donc ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait de petits points sur les séries en cours, donc allez-y, si vous retenez une chose ou deux de ce que vous avez regardé ces dernières semaines, qu'est-ce que ce serait, Arnaud? Alors, ça va être simple pour moi, rien. Je n'ai rien regardé. Non, moi, j'ai vu plein de choses, mais je ne retiens rien. Il n'y a rien de transcendant entre tout ce que j'ai arrêté chez DC... je regarde plus que Flash, si je dis pas de bêtises, je regarde plus que Flash, oui. Et rien de bien transcendant, et en plus là ils sont en longue pause depuis deux semaines je crois, ouais, jusqu'à la fin du mois. J'ai plus beaucoup de temps, donc même chez Marvel je suis en retard, enfin Marvel, il n'y a plus qu'une série. Donc. Ouais. Agents of S.H.I.E.L.D. je suis aussi en retard, j'ai encore un épisode de retard là. Et cette suite de saison 3 et part dans des directions que j'aime pas forcément. Ça tourne un peu en. D'accord. Elodie, même bilan vide pour toi, du coup ? Bah moi, j'ai vraiment rien eu le temps de regarder. C'est-à-dire que je pense que je dois avoir deux épisodes de retard de Agents of S.H.I.E.L.D. Mm-hmm. Au moins trois de Flash. Et bah le reste, autant dire, j'ai arrêté. D'accord. Voilà. Et Irish, est-ce que toi tu as regardé des choses ou pas? Des choses que tu as éventuellement? Ouais, j'ai regardé des choses. Déjà, j'ai regardé les finales de The Walking Dead. J'ai quand même mis trois plombes à. Bon, enfin, j'ai regardé quoi? Trois jours après sa sortie. Et j'ai regardé en regardant un match de foot par-dessus. Donc, autant dire que je n'étais pas. Bon, de toute façon, on en reparlera. Tu es motivé. Voilà. Pourquoi quoi? Pourquoi je regardais un match de foot Parce qu'il n'y a pas de choses en même temps. Je voulais voir si Christian Jean-Pierre commentait bien. Voilà, mais on en reparlera de toute façon. Sinon, Agent of S.H.I.E.L.D., je trouve que enfin ça repart là, depuis la reprise. C'était assez mou. Et donc, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Avec, je vais pas non plus exagérer, mais avec un scénario assez cohérent qui apporte pour la suite de l'action. Donc voilà, épisode très intéressant. Arrow, c'est formidable parce que je me suis spoilé volontairement sur Twitter. Hein. Bah, moi, je me suis fait spoiler involontairement. Ah non, moi, c'était volontairement. Je me suis dit, mais vraiment, c'est qui? Je veux savoir, j'en ai rien à foutre. Je vais le voir, peu importe. Je me suis fait spoiler. Alors, ne spoil pas ici, hein, pour le moment. On n'est pas censé parler d'Arrow, donc on va pas prendre les gens en traite non plus. Même si bon. Moi, je n'ai pas la confirmation non plus. J'ai juste vu des photos. D'accord. Et le nom du prochain épisode, qui était juste un gros spoiler. Non, mais je me suis fait spoiler. Je me suis dit, ouais, tant pis, c'est pas non plus une grande perte. Mais j'avoue que j'ai eu un pincement pendant... à la toute fin. J'étais heureux. Bah, j'étais heureux. Bon, pas heureux. Bah, tu me confirmes, Arnaud, merci. Bah, je déteste tout le monde en Arrow, donc ça peut être. Non, c'est bon, je sais qu'il déteste une personne. Ah, j'ai abandonné la série, donc c'est que je déteste tout le monde. Et la dernière que j'ai regardé, c'est Legend of Tomorrow, que j'ai commencé à regarder et je me suis... C'est vrai, tu regardes encore, toi. Ouais, j'étais le seul. Moi, je suis le seul sur Terre. Hein. Non, mais c'est mon plaisir coupable. C'est mon plaisir coupable, mais ça devient de plus en plus coupable. Hein. Mm-hmm. De moins en moins plaisir. Donc, il est pas loin de se faire jarter. Donc, d'accord. Voilà. Pour ma part, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de série, tellement longtemps qu'on n'avait même pas parlé depuis ce fameux final d'un certain épisode d'Agents of S.H.I.E.L.D. qui nous a plus ou moins tiré des larmes et qui a été un événement quand même important dans la série. J'avais beaucoup aimé cet épisode, centré autour de Bobby et Hunter. Et de Hunter. Donc celui-là était génial. Après, c'est vrai qu'on a eu une petite transition avec un ou deux épisodes de flottement, on va dire. Et puis le dernier. Il y a eu que deux épisodes depuis. Hein, alors, un épisode de flottement et le dernier qui a repris et de quelle manière, avec notamment une introduction plutôt explosive. Ah, à vue. On en prend plein la vue, plein la tête. Enfin voilà, c'était. Tu parles du dernier épisode. Oui. Oui, oui, tout à fait, oui. Voilà, donc il est quand même, il est plutôt super bien celui-là. Ouais. Bah, tu trouves que ça remonte, non ? Il y a eu quelques épisodes. Oui, oui, sur le dernier, c'est très bien. Ensuite, Flash est en pause, Arrow, je suis à jour, et voilà. Ça t'a tiré une larme ? Ah oui. Ouais. Ah bah, c'était bouleversant. C'était ouais, j'avoue. C'est ironique ou... Ouais, de voir notamment de voir la réaction d'un personnage proche du décédé à la fin de l'épisode en question. Je vois des... Actor Studio. Là, j'ai limite envie de voir l'épisode juste pour... Actor Studio, c'est tout ce que j'ai envie de dire, voilà. Bah là, ce que tu dis, ça désigne tout le casting de la série. Ça, hein. Non, mais là, ça mérite un prix d'interprétation. Vraiment, c'était grandiose. Tu cites pas le personnage, mais je le vois, j'imagine déjà de qui c'est. Voilà. Il y en a un qui est vraiment au-dessus de tout le reste, quand même. Celui ou celle contre la porte, Irish, toi qui as vu l'épisode. Oui, mais oui, donc je vois bien de qui tu parles, oui. Il a un sol, je sais pas, des sables mouvants au niveau des pieds. Je sais pas, on verra. on verra quand on parlera d'Arrow. Voilà, donc pas grand chose, le final de Breaking Dead évidemment, et puis c'est tout. Le crossover de Supergirl, j'avais déjà dit que je l'avais bien aimé. Ouais. Allez, on va passer à ce qui nous intéresse vraiment ce soir, c'est The Walking Dead. Bah, la série intéressante. Donc une saison de 16 épisodes, décomposée comme chaque fois en deux parties de 8. On avait fait un bilan à mi-saison, on n'avait pas trop parlé depuis la reprise, je crois. Donc on va peut-être surtout se concentrer sur la deuxième partie, éventuellement faire un point global. Mais, mais voilà. Allez, rapidement, chacun, comme d'habitude, un mot ou deux sur cette saison 6 par rapport aux autres ou en tant que saison. Arnaud. Je me souviens plus de grand chose, c'est pour dire à quel point ça m'a marqué. Bah, t'exagères, tu disais que c'était une très bonne deuxième partie de saison. Ou... Oui, il y avait trois bons épisodes dans la deuxième partie, 3-4 bons épisodes dans la deuxième partie de saison, mais après ça est devenu la même soupe, hein. Et tellement que les derniers épisodes, en particulier le final, et je commence déjà à m'énerver, en particulier le final, hein, qui m'a donné envie d'arrêter la série. J'ai jusqu'à octobre pour me décider si je l'arrête ou pas. J'ai beau avoir dit plein de choses négatives sur la série depuis 6 ans, j'ai jamais voulu arrêter. Toujours un petit truc qui me donnait envie de... Le petit piège à la fin de l'épisode, le petit cliffhanger piège qui te donne envie de revenir. Là, j'ai juste envie d'arrêter. Mais en même temps, j'hésite encore. Donc j'ai quelques points pour me décider. Bon, Elodie, hein, on peut compter sur nous. Évidemment, on rendra compte hein, de cette situation. Et ça. Est-ce qu'Arnaud continuera ou pas ? C'est ça, et on retire bien. Ce sera notre gros suspense de l'été. Et toi alors ? Le gros suspense, ça va être est-ce que tu as beaucoup aimé ou très beaucoup, comme disent les enfants ? J'ai détesté cette saison. Est-ce que c'est plausible ? Non, bah, alors au contraire, moi je trouve que cette deuxième partie de saison, parce que la première était quand même, il y a eu des moments chiants. Mais cette deuxième partie de saison, je pense que pour moi, elle est quand même la meilleure. Meilleure partie de toutes les saisons confondues, même s'il y a eu de très bons épisodes dans d'autres saisons. Dans l'aspect général, cette deuxième partie de saison, moi j'ai beaucoup aimé les thématiques. Et voilà, moi je suis très contente du final, je n'en attendais pas moins ni plus. Au final, je sais exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai adoré l'introduction de Negan. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment. Okay. Mais... Et toi, Iris? Bah un peu comme Arnaud, le problème parfois de ces saisons qui s'étalent lorsqu'on regarde dans la continuité, c'est que des fois on ne se souvient même plus exactement de tout ce qui s'est passé. On se pose parfois la question de ça, si certains éléments c'était dans cette saison-là ou pas. Donc la première partie de saison, elle m'est un peu floue. Enfin, elle m'est floue. Il y a certains éléments qui reviennent, mais je n'arrive pas à me ressouvenir de tout ce qui s'est passé. La deuxième partie de saison, j'ai trouvé que ça a commencé sur un rythme assez élevé. Ça m'a remis de l'enthousiasme. Il y a eu un petit côté de mou et la fin, bah, pff, la fin là, un peu mou, j'ai trouvé. Bon, pas mou, mais bah, je trouvais que ça retombait dans les travers, les tirades, ça traîne en longueur, ce rythme hyper lent qu'on lui connaît. Donc, au final, je dirais que c'est une saison un peu en dents de scie. D'accord. Pour ma part, je vais pas revenir sur ce qu'on a dit sur la première moitié de saison, je vais juste me concentrer sur la deuxième partie que j'ai trouvé très bonne. Et je rejoins Elodie, je pense que c'est peut-être la meilleure moitié de saison qu'on ait eue depuis très très longtemps. Au moins depuis 2 ou 3 ans, en tout cas. Oui, c'est vrai que la saison 3, en tout cas pour moi, la saison 3 était l'une des meilleures. Et effectivement, là, on a eu quelque chose qui n'a cessé de monter en tension, qui a été plutôt oppressant par moments autour de Negan. Où est-il? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va pas arriver? Qui a été plutôt bien organisé aussi au niveau de la com, parce qu'on nous a dit qu'il arriverait dans le final, mais que peut-être finalement avant. Donc, au final, non. Au final, non, mais ça n'a fait que faire monter la tension autour de lui, et c'était plutôt intéressant. Et je croyais pas. Est-ce que vous soulignez sur la longueur, sur le fait qu'on se souvient plus très bien de si ça s'est passé cette saison, la saison dernière, etc. Ça me donne envie de faire une analogie avec le comics qui est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on en est au 25e tome qui vient de sortir en VF, qui colle à peu près à la publication VO. Effectivement, il s'est passé énormément de choses. Walking Dead, c'est quelque chose de hyper feuilletonnant où il se passe à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Et du coup, on arrive effectivement à plus trop arriver à situer qui est qui vient d'où, quand est-ce que cet événement s'est passé. Et ça fait aussi partie de l'identité de la série. Et finalement, je suis, en tout cas pour les comics, moi, ça me plaît plutôt tout ça parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui existe depuis maintenant super longtemps et qui fait presque partie du quotidien des fans. Quoi. Je pense que surtout aussi, c'est qu'il y a 16 épisodes par saison. Découpé en 2x8, et que peut-être, comme on l'a dit, il y a beaucoup de longueur dans les épisodes et dans les saisons. Peut-être que justement 16 épisodes par saison, c'est beaucoup trop pour la série et les scénaristes. Alors sur cette moitié de saison, j'ai presque envie de dire que c'est la première fois, sur toute la moitié, hein, c'est la première fois où j'ai trouvé les longueurs utiles. Alors que d'habitude, effectivement, quand ça devient lent, etc., ça me saoule. Là, j'ai trouvé que ça servait quelque chose et ça m'a intéressé, même ces passages un peu plus calmes entre guillemets, parce que c'est vraiment des guillemets, on se sert de ces passages là pour faire monter plein d'autres choses, et on n'avait pas forcément ça depuis au moins 2 ou 3 ans en tout cas. Dans l'ensemble, je pense que t'as raison, parce que là maintenant tu parles, j'essaie de me souvenir d'un passage un peu longuet où j'ai pouffé, où j'ai soupiré, mais j'arrive pas à retrouver. Pourtant, en regardant, j'ai eu cette impression de longueur. La pseudo-histoire, je citerai tout de suite la pseudo-histoire d'amour entre Rick et Michonne. D'ailleurs, en seconde partie de saison, Michonne ne sert strictement plus à rien. L'actrice ouvre la bouche pour parler. Bah, je te trouve assez dur, parce qu'on avait déjà parlé de cet élément et moi justement, je reviens au point de Mathieu pour dire que finalement je suis peut-être un peu d'accord avec lui, c'est que les longueurs qu'on a eues, ou parfois ce qu'on peut appeler longueurs, c'est cette impression de vie normale. Cette impression de vie normale, ou comme si les zombies n'existaient plus, comme s'ils avaient une vie comme nous, excepté qu'ils bossent pas. Hein. D'ailleurs, je me demande si je préfère pas la leur. Et Donc, je comprends ce que Mathieu veut dire par cette phrase quand il dit longueur utile. Mais en fait, The Walking Dead est une série lente, elle l'a toujours été. Elle sera toujours un mix voilà, entre longueur et action, comme les plein d'autres séries. Voilà, je suis sûre que des grosses séries du style Breaking Bad ou encore. True Detective par exemple sont des séries aussi très lentes où il se passe pas forcément énormément de choses. Après voilà, The Walking Dead c'est dans un monde de survie, c'est sûrement un peu moins fin que d'autres séries, c'est sûr, mais voilà, c'est pas pour autant que c'est, en effet comme tu disais, c'est pas inutile. En effet, des fois c'est bien de voir leur vie, et soit parce qu'il y a un épisode où personne ne meurt et où il n'y a pas une attaque de zombies que l'épisode est mauvais. Ça, on est d'accord. C'est vrai, mais pour revenir, c'est un truc qui a beaucoup énervé les gens, pour revenir à cette pseudo-histoire d'amour entre Rick et Michonne, c'était... L'enchaînement était assez ridicule de passer d'un épisode de carnage où il y a 50 000 zombies qui meurent à tout de suite, tout est réglé, il y a une ellipse temporelle dans la diégèse de la série, mais on l'a pas pour le spectateur et du coup l'enchaînement est trop violent. Mais on a eu 6 saisons où on a vu ça, où on les a vus nettoyer. Mais il fallait un épisode de transition. Mais ça, c'est révélateur aussi de quelque chose pour le groupe, c'est-à-dire que maintenant ça fait tellement longtemps c'est que ils devaient s'arrêter et s'appuyer sur leur sort à chaque attaque. Non, mais c'est surtout que c'est une saison. Et ils avancent, ils passent à autre chose, et ils passent à autre chose assez vite. Et ça révèle quelque chose aussi sur les personnages. Et c'est surtout que, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une saison où ils ne bougent pas. C'est-à-dire que du début à la fin de la saison, ils sont à Alexandria. Alors après, ils bougent dans les alentours. Mais voilà, c'est ça, ils ne sont plus en mode on va rechercher un endroit. C'est-à-dire que là, ils se sont installés quelque part. Et c'est quelque part où ils se disent on va peut-être pouvoir faire notre vie, on va peut-être pouvoir construire quelque chose et avoir un avenir. Et en effet, alors cette saison, plus que toutes les précédentes réunies, est vachement centrée sur des histoires d'amour, des ex amoureux, des enfants, etc. Mais voilà, moi, c'est juste le reflet, en effet, de l'évolution de la série, du fait que cette fois, ils sont enfin posés quelque part et se disent qu'ils pourraient envisager quelque chose dans un monde de zombies. C'est la saison où la vie va prendre le pas sur la survie et où on va essayer vraiment de construire quelque chose de constructif, quoi, je me répète, mais... Oui, non, je suis d'accord. Mais alors, par contre, Arnaud, je suis pas d'accord avec toi, c'est que l'histoire entre Rick et Michonne, c'est ok, elle apparaît dans un épisode, ils en évoquent légèrement dans l'épisode suivant. C'est 3 scènes. À peine, et pendant 2 ou 3 épisodes au moins, on ne les voit ni ensemble, ils ne l'évoquent même pas, et d'un coup, on les revoit dans un épisode, dans une scène, ensemble, et voilà, et ce n'est absolument plus évoqué. Par rapport à ça, est-ce que, bon, après, c'est pas non plus, mais bon, je peux quand même en parler, mais est-ce que quelque chose qui a gêné peut-être les gens là-dessus, c'est peut-être le côté moins glamour, et le fait que certains peuvent se dire, oh non, Michonne et Rick, ça ne colle pas. Ça peut être, mais c'est autre chose. Je pense pas. Enfin, je pense qu'il n'a jamais été glamour. Non, mais quand je veux dire, quand c'est Eric et celle qui se fait bouffer là, et la blonde. Julie, ouais. Voilà, ça, bon, on va dire que, je sais pas, que ça faisait un beau couple entre guillemets. Tu t'insinues que Michonne est moche. Je dirais pas que non, j'ai pas dit qu'elle est moche. Mais je veux dire que je pense qu'il y en a beaucoup. J'ai vu des commentaires sur Twitter qui se disaient voilà, c'est. Ouais, elle ne correspond pas, ou les deux ils vont pas ensemble, ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a peut-être un peu de délit de faciès par rapport à leur couple. Non, c'est pas ça. C'est pour eux, non, après. Pour certains, si, c'est doute. Sans doute, ça revient. Oui. Mais mon problème, c'est vraiment l'enchaînement entre. C'est trop abrupt et trop violent. Il aurait fallu Des fois, ils te foutent des épisodes de transition qui durent littéralement 2 épisodes. Alors, ils te font sentir comme si tu passais devant deux épisodes à la suite. Ouais, alors que là, c'est trop rapide. En même temps, ensuite, on n'en reparle plus. Donc, pourquoi aborder quelque chose pour ne plus en reparler? Et le problème de cette seconde partie de saison, c'est que les fins dans cette seconde partie de saison ne servent à rien. Michonne a quasiment aucune ligne de dialogue dans la seconde partie de saison. Et on en parlera après, mais Carole, ils ont massacré le personnage de Carole. Carole, c'est un des 3 points négatifs clairement de cette mi-saison pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle devient, cette pauvre Carole? C'est là que me vient cette impression de longueur des épisodes où tu la vois se traîner, en train de se questionner par rapport à quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi. C'est même pas expliqué. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Je pense que le cas Carole est un peu incompréhensible. Il arrive comme ça. C'est assez incroyable ce qu'ils en ont fait. Très vite en plus. D'un épisode à l'autre, et puis hop, on comprend pas, elle veut plus tuer. Pourquoi ? On parle de quelqu'un qui a tué un enfant et qui après est passé à autre chose. Voilà. Et qui a brûlé des mecs dans la prison aussi, quand même. Bah oui, c'est ça. Et on parle de quelqu'un comme ça, et comme ça, subitement, du jour au lendemain, surtout que c'est pour protéger leur communauté à laquelle elle est vachement attachée, bah ça y est. Même pas ce qu'elle se casse. Et surtout, ces crises d'épilepsie limite, je sais pas, une sorte on l'a fait passer, ok, c'était quelqu'un qui commençait à vraiment à maîtriser l'art de se défendre et de tuer, mais au point d'en devenir carrément une sorte de Rambo quand elle se fait cerner par 4-5 personnes, elle n'a rien à foutre, elle n'a pas peur parce que elle est omnipuissante, il n'y a rien qui peut lui arriver, entre guillemets. Bah non, c'est vraiment, je trouve que ils ont un peu massacré le personnage pour créer une sorte d'empathie, peut-être pas d'empathie, mais je pense pour faire une sorte de contre-pouvoir par rapport au fait que le groupe allait devenir de plus en plus inhumain. Non, mais il faudrait peut-être, mais juste ils sont partis en couille. Avec ils ont régressé le personnage. Elle est redevenue la Carole. Qui a peur de tout, qui ne sait pas elle a peur, mais elle donne l'impression d'avoir régressé et d'avoir oublié toute l'évolution qu'elle a eue au cours de la série pour devenir ce qu'elle est devenue, cette survivante. Elle donne l'impression d'avoir régressé à ses débuts où elle était, alors certes elle a plus peur là, mais elle donne l'impression d'être retournée à cet état de départ qu'on la voit dans la saison 1, de cette femme battue, apeurée, qui ne sait pas se protéger elle-même. Elle n'est pas revenue totalement à ça, mais elle a quand même régressé à un stade inférieur de ce qu'elle était devenue. En fait, c'est pas qu'elle a régressé, c'est qu'elle veut évoluer sur autre chose, mais elle est toujours capable de tuer. C'est cette scène où justement il y a les mecs qui sont devant elle et qu'elle dit, elle est en train de pleurer, en train de dire j'ai pas envie, laissez-moi partir, je veux pas vous tuer. Ils veulent pas partir, bim, elle les bute tous. Donc d'un côté, si, elle sait toujours se battre, elle sait toujours survivre, mais elle a plus envie. Alors est-ce que dans son cas, est-ce que dans leur situation, après avoir tué je ne sais pas combien de personnes, est-ce que d'un coup t'as un déclic en te disant je ne veux plus être cette personne-là, je veux rester un être humain? Mais c'est ça, t'as l'impression que du jour au lendemain, il y a une espèce de court-circuit qui a eu lieu dans sa tête et qu'elle s'est réveillée en se disant c'est fini, et voilà quoi, c'est incompréhensible. Mais elle en avait déjà plus envie avant de tuer le groupe des Saviors. Déjà avant ça, elle donnait déjà l'impression de plus avoir envie. La discussion qu'elle a avec. Putain, j'ai oublié les noms ce soir. Bon, avec la copine enceinte de Glenn. Maggie. Elle refuse qu'elle aille au combat, qu'elle aille directement aux Saviors. Elle a une discussion avec elle où elle lui fait comprendre qu'elle supporte plus ça et qu'elle lui dit pas qu'elle va partir, mais tu sens qu'elle supporte plus et c'est là que ça commence à vraiment se mettre en place. Et en plus, avec l'épisode suivant où les deux sont kidnappés, où c'est vraiment là qu'il y a le déclic qui se met en marche, ça a déjà démarré avant même qu'il tue tout le monde. Et l'étude parlait de Morgan et c'est peut-être en partie à cause de lui, tous ces discours qui... Enfin, je comprends pas pourquoi ça a eu un effet sur elle, alors c'est pas son genre, mais c'est sans doute en partie à cause des discours de Morgan, et c'est pour ça qu'ils ont essayé d'associer les deux personnages à la fin de saison quand Morgan essaie de la rattraper. Ils ont voulu connecter les deux personnages, mais... Parce que ces deux personnages qui, au départ, sont totalement opposés, lui qui est passif, enfin, plus ou moins pacifique, qui veut pas tuer les gens, et elle, au contraire, qui est prête à tuer pour le bien de tous, même des gens plus ou moins innocents, comme les gens de la prison qu'elle a brûlés, ils étaient innocents, c'est juste qu'ils étaient malades et qu'ils auraient pu infecter tout le monde. Mais à la base, ils étaient innocents. Et elle est prête à tuer ce genre de personnes. Est prête à sacrifier quelques personnes pour sauver le tout, disons, alors que lui, il veut tuer personne, même pas les criminels, les gens qui les attaquent. Donc, ils ont voulu associer les deux extrémités d'une même conception, mais ils ont au passage détruit Carole. Ouais, je suis d'accord. Bon, déjà que Morgan, moi j'ai du mal avec lui parce que avec sa, je trouve que sa philosophie n'a pas de place pour ce monde-là, malheureusement. Et ensuite aussi, ça n'a pas aidé parce que l'épisode qui est censé nous faire comprendre quelque sorte son changement ou son adhésion à cette philosophie-là, c'est complètement pourri et c'est totalement ennuyeux que je ne suis même pas allé jusqu'au bout. Donc c'est un personnage que je trouve déjà qui m'est un peu antipathique par sa façon de croire que dans ce monde tout pourri, on peut arriver à changer les hommes. Déjà, même Daredevil, il n'y arriverait pas. Donc... déjà ça de côté, mais effectivement quand vous dites qu'on met les deux avec qui sont totalement opposés à qui ont des philosophies totalement opposées, Carole qui est prête à tuer comment s'appelle le sauvage, pas sauvage, vous voyez de qui je parle. Le mec qui s'est fait. Le mec dont Morgan croyait aider, voulait aider. Mmh. Et qui s'est libéré et il a emmené avec lui le docteur. Oui. Voilà. Donc, déjà, à partir de cet épisode-là, tu ne comprends pas comment elle peut changer d'avis alors que le mec qu'on essaie de protéger, qu'on essaie de faire croire qu'il peut changer, a failli les tuer. Tous. Et c'est à partir de là qu'elle change d'avis, ce qui n'est absolument pas normal, vu qu'en principe, s'il a essayé de les tuer, elle devrait être confortée dans son idée de départ, dans sa philosophie de départ, à savoir, bon, bah, il n'y a pas de place pour les bisounours ici, et c'est soit on tue, soit on est tué. De toute façon, il y a une évolution super radicale qui a lieu dans cette deuxième moitié de saison, qui va du coup à l'encontre de ce que fait Carol, qui est peut-être l'élément déclencheur, c'est cet épisode d'offensive sur sur un des bâtiments qui est contrôlé par les Saviors, de nuit, où on voit le groupe tuer de sang-froid des mecs vivants et qui dorment. Oui, bah, je pense que clairement, c'est l'un des points de cette saison qui fait que cette saison, justement, est au-dessus des autres. C'est que le niveau psychologique de la série est passé un cran au-dessus, et de voir les réactions de chacun des personnages par rapport à cette situation d'aller tuer consciemment des gens vivants qui leur ont rien fait, a priori, pour l'instant. Juste parce qu'ils pourraient leur faire quelque chose. C'est ça, c'est quand même, enfin, voilà, dans la vraie vie, on dirait juste c'est pas possible, sauf si c'est un psychopathe. Donc c'est que là, ils sont pas des psychopathes, ils essayent juste de survivre. Et jusqu'où t'es prêt à aller, qu'est-ce que t'es prêt à faire pour survivre? Voilà, donc là, il y en a qui sont prêts à aller tuer des gens, il y en a, c'est pas facile. Je vois surtout la scène avec Glenn et je sais plus comment il s'appelle, je suis tout avec lui. Qui l'autre n'arrive pas à tuer, Glenn le fait pour lui, mais tu vois la détresse de Glenn de commettre ce geste. J'ai trouvé cette scène tellement forte. Voilà, oui, là on a quelques minutes qui sont hyper froides, hyper oppressantes psychologiquement. Enfin, à la fin de cet épisode, j'en suis même arrivé à me dire, et si depuis le début de la série, on avait suivi un autre groupe, est-ce que le groupe de Rick ne serait pas aussi dangereux que celui de Negan? Si, totalement. Non, quand même pas. Non, je ne pense pas quand même, parce que. Même s'ils en sont réduits, même si au final, oui, ils ont en commun qu'ils tuent, mais les motivations ne sont pas identiques. Ils gardent une bonne morale derrière. Voilà, mais il y a quand même. Une bonne morale. Oui, non, c'est vraiment entre guillemets, hein, parce que là, tu es des gens comme ça. Ils tuent quand même des gens, certes pas innocents, mais gens qui les ont pas attaqués, on leur a rien fait. Ils les ont pas encore attaqués, oui, effectivement, oui. Mais le groupe de Negan, ils sont connus quand même, ces mecs-là, ils tuent d'autres gens, parce qu'on leur dit que, mais eux, oui. ils n'ont jamais vu. Oui, mais... Et de toute façon, c'est une question de point de vue, c'est parce que depuis le départ, on suit ces personnages-là et qu'on est resté avec eux et qu'on a appris à les apprécier et du coup, on a appris à s'attacher à eux et du coup, on voit à travers leurs yeux et c'est pour ça que on a des avis aussi différents que on se dit, certes, ils commettent quelque chose d'irréparable, des atrocités de s'infiltrer chez des gens et de les tuer dans leur sommeil, mais c'est pour se protéger. On essaie quand même de trouver une justification parce que c'est un groupe auquel on a suivi, auquel on s'est attaché. Tout ça, c'est une question de point de vue. Bien sûr que si on avait suivi un autre groupe et qu'on avait trouvé ceux de Rick et que le groupe de Rick se serait dit peut-être que ce groupe-là, il peut être dangereux, on va les tuer. Forcément qu'on aurait pris le groupe de Rick à la même place que les Saviors. Le groupe de Rick ne serait jamais allé attaquer un autre groupe pour lui prendre ses vivres. Non, il négocie. Il menace pas un membre de l'autre groupe. Jamais. Il attaque, ça dépend de la situation. Bah justement, donc oui, justement. Donc dans cette situation-là, ils sont aussi là, quand même dans une situation d'autodéfense, même s'il y a ils ont une sorte. Pas de défense, on les attaque pas. Même s'il y a une sorte de minority report d'anticipation dans leur acte, ça reste quand même que. Mais après, il faut se mettre aussi dans l'univers dans lequel on est. Ça aurait été dans notre univers actuel. Oui, bien sûr, ce serait incroyable. Mais ramenez tout, parce qu'au final, je n'ai pas été aussi choqué que ça par cet épisode-là. Parce que je connais déjà dans quel univers ils sont. On n'a pas la même conception de la mort dans cet univers-là que dans le nôtre, je veux dire, qu'ici. le fait de tuer quelqu'un comme ça de sang-froid qui ne t'a rien fait, bien sûr que ça reste quand même assez choquant. Mais rebasculer dans leur univers où à longueur de journée ils tuent des gens et parfois sur un principe sur le fait par exemple quand Henri qui croise quelqu'un, une nouvelle personne, cette personne là il en joue d'abord, ils ne vont pas d'abord s'asseoir et essayer de le connaître, non, il a d'abord en joue, il a une arme contre cette personne là et au moindre je sais pas comment dire, au moindre faux pas ou s'il y a un gros moment d'incompréhension, cette personne là peut mourir. Donc je suis pas non plus, j'ai pas été si choqué que ça, même si évidemment je trouvais qu'il passait un palier, qu'il passait un autre cap. Mais de là à penser qu'il puisse être dans le. Peut-être pas mis au même point, mais qu'on puisse faire une analogie avec le groupe de Negan, je pense qu'ils ont encore, plein d'étapes à franchir avant d'en arriver là. Bah moi, je vais t'en faire une d'analogie qui est toute bête avec le groupe de Negan. Que fait Negan au Hilltop ? Il leur demande la moitié des ressources en échange de rester tranquille. Oui. Que fait Rick avec le Hilltop ? Il leur demande la moitié des ressources en échange de quoi il va aller buter les autres. C'est la même chose. Sauf que Rick Negan, quand il leur pose ça, ils ont un choix. La moitié de la ressource en échange de les laisser tranquilles. Et s'ils ne le font pas, ils vont les buter. Donc au niveau du choix, d'ailleurs, il a buté. Mais qu'aurait fait Rick s'il n'avait pas eu la moitié des ressources ? Il aurait laissé faire Negan. Mais il l'aurait pas fait. C'est pas mieux de les attaquer directement. Non, mais il l'aurait pas fait, parce que même en laissant faire Negan, il ne se fait pas non plus un ennemi. Au final, en quelque sorte. Parce que Rick, dans ce qu'il fait, et aussi ce qui peut être paraître aussi, on va dire, peut-être inconscient de sa part, c'est qu'il ne connaît même pas Negan. Il ne connaît pas son groupe. Bon, il y a peut-être une sorte de confiance en les capacités de son équipe, mais il ne sait pas non plus au-devant de quoi il va. Bon, il ne sait pas, mais il sait quand même que ça peut être dangereux, mais il prend quand même ce risque-là. Donc, du coup, il y a quand même un choix, et il y a aussi une part de son groupe qui met en danger pour sauver ces gens-là et aussi partager. Donc c'est comme une espèce de synergie qui met en place au final. Enfin pour moi de toute façon il est passé clairement de l'autre côté, voilà, il est passé d'un côté, voilà, il a passé un cap qui de non retour et comme dans les comics, hein, c'est également pareil, hein, il y a des choses qui se passent aussi qui sont des points de non retour. Voilà, moi ce qui m'intéresserait maintenant c'est de voir un autre groupe arriver de l'extérieur. Un groupe complètement, un peu comme ils étaient au départ, et qu'on puisse vraiment voir ce qu'ils sont devenus, parce que j'ai l'impression qu'on s'en rend même plus compte à force d'accepter des petites choses, une petite chose de plus chaque saison, un pas de plus vers l'extrémisme. J'ai l'impression qu'on se rend même plus compte d'à quel point ils ont dérivé. Et du coup, si on voyait un groupe un peu comme ça, un peu frais, un peu qui arrive à survivre sans trop chercher des noises aux autres et machin, et qui est plutôt pur entre guillemets, ça serait intéressant de voir ça. De voir qu'en fait ben ils sont pas si entre guillemets gentils que ça, c'est juste parce qu'on les suit. Le groupe qui était Alexandria au final, qui eux étaient tout gentils, alors ils savaient pas se battre ou survivre, mais c'était un peu ça, hein. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a eu un gros débat à savoir s'ils laissent entrer le groupe de Rick qui déjà pour eux paraissait déjà assez sauvage. Et je pense même que si le groupe de Rick n'était pas entré dans Alexandria serait toujours debout aujourd'hui. C'est un peu lui qui a amené les emmerdes. C'est pas sûr. Negan aurait fini par les trouver. Voilà, et je pense pas qu'ils auraient hésité à Negan. Et en même temps, c'est aussi là le principe de. Comment dire ? Il faut bien un élément perturbateur. Oui, mais d'accord, bien sûr, dans la fiction. Non, c'est de la fiction, ouais. Bon, voilà, en tout cas, voilà ce cap franchi, là, ce nouveau cap. Voilà. Ça nous amène donc au final, j'ai envie de dire. Ah oui, amène tout doucement effectivement au final. Avant le final, j'aimerais juste parler d'un truc qui m'a gonflé. Je sais de quoi tu vas parler. Qui m'a gonflé dans cette deuxième moitié de saison, que j'ai pourtant apprécié. Hein. C'est cette façon de ne rien assumer qui m'a ça m'a saoulé. C'est The Walking Dead. Hein. Notamment. C'est pas qu'ils veulent pas assumer, c'est juste qu'ils jouent avec nous, c'est différent. Non, ils jouent pas. Mais ils n'assument pas. Quand on te finit un épisode sur un mec qui se prend une balle, on ne sait pas dans la tête, on ne sait pas où, avec une clé de sang face caméra et un écran noir. Il y a un écran noir et il y a une voix qui dit « You'll be alright ». Je suis désolée. Ouais, mais tu t'attends au moins à ce que ce soit adressé derrière. Mais tu le vois, ils ont laissé... Moi, je vois rien du tout. Alors, il avait une pastèque devant la tête. Ils ont fait exprès de ne pas nous montrer pendant une partie de l'épisode pour justement... On avait très bien deviné que les images dégueulasses dans le van, c'était lui. Tout le monde avait deviné que c'était lui. Lui, les autres, au final, il n'y avait pas que lui. Mais voilà, et après on voit qu'il est blessé au bras, on sait pas trop si c'est le bras ou l'épaule. Bien sûr, on voit qu'il y a eu du sang partout. Il y a 3 traces de sang, alors que si tu regardes la fin de l'épisode précédent, t'as l'impression que c'est un Ravel qui est. Tu vois rien à la fin de l'épisode précédent, tu vois juste un peu. Ah, une giclée de sang qui a l'air plus importante que ce qu'il a au bras. Moi j'ai l'impression que. On dirait qu'il s'est écorché le bras, c'est tout. Oui, enfin bon, et puis Carole elle s'est prise de balle, elle va rien avoir. C'est pas un. Carole, c'est pas un petit calibre, c'est pas avec un petit calibre qu'il lui tire dessus. Non, c'est clair. Non. Et puis pourquoi ? C'était sûr que c'était juste pour jouer avec lui ou juste pour se dire voilà, on finit sur un cliffhanger. Et même pourquoi ? Il l'assume et ils expliquent pourquoi. En plus, la personne qui l'attaque, c'est un mec qui a quand même de la rancœur pour lui. Ah bah Dwight, oui, c'est quand même. Il a un passé avec lui quand même et il veut certainement se venger. Mais non, il lui tire une petite balle dans le bras. Mais pourquoi ? Pourquoi on nous explique ? Pourquoi on nous explique pas ? Pourquoi il l'a épargné ? Est-ce que ça fait partie du plan de Negan ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? La saison suivante, hein ? Trop tard, fallait l'expliquer avant. Ou alors pas faire ce clip. Trop tard pour toi, mais pourquoi ce serait tout devrait s'expliquer maintenant ? Quand tu vois Lost et qu'il t'explique tout, ils ne peuvent pas tout à la saison. C'est pas le même genre de. C'est pas le même genre, mais t'es obligé d'avoir un truc dès l'épisode suivant. Bah, quand tu termines un épisode de manière aussi trash avec beaucoup de sang qui a giclé, quand tu termines un épisode comme ça, tu ne peux pas dans l'épisode suivant juste faire sortir le mec d'un camion avec une couverture sur les épaules, c'est pas possible. Bah moi ça me va pas forcément déranger. Honnêtement, pour moi c'était sûr qu'il allait pas mourir d'arrêt, alors, en tout cas pas comme ça, pas là, enfin c'était pas possible. Fallait s'en douter. Après qu'il soit pas attardé dessus, je suis désolée, je pense qu'il avait d'autres choses à foutre dans le final en fait que s'attarder sur lui. Oui, peut-être, mais. La question, c'est quel était l'intérêt de ce cliff, à part faire parler C'est The Walking Dead, c'est du buzz pour qu'on en parle et pas de couilles derrière pour avoir des idées et aller au bout de leurs idées. Par contre, je suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas de couilles, c'est une désolée qui tue ses personnages principaux sans souci. Ah bon? Rick est toujours vivant, Daryl est toujours vivant, c'est les personnages principaux qui m'ont rongé. Excuse-moi, Daryl n'était pas le personnage principal dans les premières saisons, tu veux qu'on parle de Laurie, de Shane. Oui, mais Daryl c'est le personnage préféré des fans. Donc forcément, oui, maintenant, mais ça n'était pas, je pense, dans la première saison. Il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup qui ont traversé les 6 saisons. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a au moins 6. Alors pour moi qui sont là depuis le début, on est d'accord qu'il y a Rick, Carl, Glenn, Maggie. Daryl, Maggie est arrivée à saison 2, je suis désolée. Saison 2, mais ça fait quand même 5 ans. Ouais, et Carole, pour moi il n'y en a que 5 de la saison 1. Ça fait, oui. 5 c'est déjà quand même beaucoup pour une série qui soi-disant tue ses personnages principaux. Je suis désolée, mais il y en a eu énormément, tu veux que je compte tous ceux qui sont morts. Oui, mais ils sont morts au bout d'une ou deux saisons. Pas forcément, il y en a qui ont attendu au moins la saison 3 ou 4, et après tous ceux qui sont arrivés comme Maggie en saison 2, et c'est la seule qui a survécu. Bon, après on va pas compter non plus les épisodes où chacun... On va pas compter, voilà, mais de dire qu'ils ont pas de coups, je suis désolée, c'est quand même... Quand tu fais une fin où tu fais croire que tu butes le personnage préféré de tout le fandom, et que derrière tu n'en parles pas, t'assumes pas et t'as pas de coups. Il dit you'll be alright, tu sais qu'il est pas mort. Dans la bouche de Dwight, ça sonne plus comme une menace que comme quelque chose de rassurant. Mais oui, mais bon, il lui dirait pas ça s'il était mort. Ce clip n'a aucun intérêt. Peut-être que si, justement. Dwight en serait tout à fait capable de dire ça à quelqu'un de mort ou en train de mourir. Peut-être. En tout cas, c'était sûr que c'était pas le cas. Après, il a juste joué avec mes nerfs, c'est fou. Au moment où il a pas joué avec mes nerfs, je l'avais dit à Mathieu le lendemain, c'est sûr qu'il est vivant. Ah bah c'était sûr. Tu m'avais dit mais on sait pas, vu l'angle et tout, on sait jamais. Je te dis, c'est The Walking Dead, ils le feront jamais. Ah ça, je ne dirais pas, ils pourraient. Oui, non mais pas maintenant, je le dis. C'est The Walking Dead, ils ont pas les couilles pour le faire. Ah, par exemple, je pensais qu'il se fait exploser là à la fin. En parlant de couilles, je voudrais quand même saluer Eugène. Non. S'il pouvait mourir rapidement, lui. Parce que Jane nous a quand même livré une. Avec Abraham, bien sûr. Les deux peuvent crever rapidement, ça m'arrangerait. Il faut juste terminer pourquoi, ce serait cool. Jane nous a quand même gratifié d'une des scènes les plus drôles de la saison. avec un bon. Ouais, il a mordu les couilles comme un chien. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. C'est... D'ailleurs, on en reparlera de cette scène. Et c'est Abraham qui lui dit cette réplique sortie de nulle part, complètement inattendue, froide et tout ça. Enfin, moi, j'ai vraiment ri, quoi. Oui, moi aussi. Ouais, j'avais vu quelqu'un. Il lui dit quoi déjà ? Il lui dit. J'avais vu quelqu'un mordre les couilles. Ouais, il lui dit toi, tu sais comment mordre des couilles ou un truc comme ça. Voilà. Ouais. Mais c'est non, vrai quand même, faut parler. Parce que c'est idyllique. Ouais. Il faut quand même parler du fait qu'il y a un mec qui est en train de te faire mordre les couilles et qui a un flingue à la main et il est juste en train de crier. Voilà. Voilà, c'est une scène qu'on avait dans les comics qui, moi, déjà, quand je l'avais lu, m'avait fait plutôt rire parce que c'était un peu inattendu et c'est un peu surprenant et quoi. Donc voilà, j'étais content de la retrouver et qu'en plus il y a cette petite réplique derrière au moment où il se réveille. Je trouvais ça sympa. Et on en parle justement de cette scène parce que justement, il n'y a pas eu beaucoup de polémiques sur cette scène-là, mais ça rejoint une autre polémique avec The Android qui a tué une personnage lesbienne. Et là, pareil, dans le film, c'est Abraham qui meurt, et là, on tue une lesbienne, qui sert déjà pas à grand-chose. Et il y a déjà très peu de représentation dans la série, que ce soit représentation entre guillemets raciale ou sexuelle. Il y a très peu de latinos ou de noirs, et ils sont tous... Il y en a au moins un. Il y en a plusieurs. Il y a Michonne. Il y a Morgan. Après, tu peux parler de Glenn. On a Glenn. Les autres, et tous les autres qu'il y avait avant, n'ont pas été développés, ne servaient à rien. Sacha. Oui, elle sert à rien. Elle a quand même été développée, cette saison, Sacha. Très peu. Enfin, bref, là, d'accord, peut-être pour la question. Mais là, pour la question des autres minorités, ça rejoint la polémique, comme tu disais, de The 100, où il y a une personne LGBT dans la série, et c'est celle qui est tuée. Non, mais là, je te renvoie ton argument. Tu t'aimes pas quand on fait des histoires autour de l'amour et des relations amoureuses, et tu t'es pas content qu'on tue une personne parce qu'elle est LGBT. Mais, à quel moment j'ai dit que je n'aimais pas ça? C'est le déroulement que j'ai pas aimé. J'aurais aimé qu'on nous foute Michonne et Rick ensemble, très bien, mais moi j'aurais voulu que ce soit plus tard et pas direct, au moins un épisode après et pas directement après un carnage où c'était le changement était trop abrupt. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pas du tout aimé cette attaque. Moi je suis plus choqué quand on va te faire de la com en te faisant croire, en te disant oh, il est peut-être gay, Daryl, il est peut-être gay. Ça me choque plus. Ce genre de com là me choque plus que d'aller buter un personnage. Voilà. Et pourquoi elle a buté elle alors que. J'ai dû rater un épisode. Elle était vraiment développée, elle était plutôt intéressante. Pourquoi choisir elle plutôt que de tuer Abraham comme dans les comics? Alors attends, moi je voudrais juste dire un truc, c'est que t'as commencé à dire qu'il n'y a pas eu de polémique sur The Walking Dead, et tu as répondu à cette question juste après, c'est que contrairement au personnage, sans la citer pour pas spoiler si j'en ai pas vu, le personnage de The 100, le personnage là dans The Walking Dead, j'ai déjà oublié le nom, tu vois, c'est pour tout dire, c'est que c'est pas un personnage fort et représentatif à part. Elle était mise en avant beaucoup plus dans cette saison. Oui, depuis. Je crois très légèrement, ça n'était pas une femme forte comme le personnage de The 100, et c'est pour ça que ça m'a pas fait polémique. Et pour moi, pourquoi elle a été tuée? C'est parce que c'était le médecin. Et que du coup, ça mettait le groupe en danger. Mais moi, je suis d'accord, c'est comme, pour moi, les personnages meurent, qu'ils soient lesbiens, gays, si vous voulez, ou hétéro, c'est juste pour servir l'histoire, ça n'a aucun rapport avec leur... Il y a quand même eu une petite polémique le lendemain. Pas autant que The 100, mais il y en a quand même eu une petite. C'est pour ça que j'aborde la question. Ouais, mais, bon, mais pour moi, ça reste des histoires de la fiction, et pour moi, je pense que ça n'a rien à voir avec leur orientation sexuelle. Ça manque quand même très peu de représentation. Et puis de toute façon, jusque là, toutes les morts sont différentes de celles des comics. À chaque moment où il y a un personnage qui doit mourir, parce que dans les comics, à ce moment-là, il y a un personnage qui meurt, c'est pas celui des comics qui meurt. Jusque là, en 6 ans, ça a été le cas tout le temps, ou une exception près peut-être, mais à mon avis tout le temps. Je crois. Le seul passage obligé des comics qu'on a eu, c'est Carl qui a perdu son œil cette saison. Oui, c'est pas une mort. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre si t'avais suivi cette logique. Rick a toujours sa main, c'est d'autres personnages qui ont perdu leur main par contre, voire pire. Mais du coup, tous les passages un peu cultes obligés des comics, ça, y a eu un twist, ça a touché quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il joue à la fin du final sur le qui a été tué. C'est parce que effectivement, en général, ça ne touche pas le personnage qui meurt dans les comics. Ce sera un personnage dont tout le monde se fout. Donc forcément, on te laisse planer le suspense, et voilà. Et si, pour une fois, justement, il cassait cette règle en allant suivre les comics? pourquoi pas. Ça, c'est que tout est possible maintenant. Moi, je te dis, ils vont tuer un personnage dont tout le monde se fout, genre Abraham ou Sacha, puisqu'il y a eu ils ont rapproché ces deux-là. Dans ce cas-là, ils vont tuer Aaron parce que c'est un personnage dont on n'en a rien à foutre et qui sert à rien, contrairement à Perry. C'est encore un personnage gay, mais en soi, pour l'histoire, il ne sert à rien. Donc, s'il devait vraiment tuer un personnage qui sert à rien, ce serait lui pour moi. Ou Eugene. Je sais pas. Plutôt un personnage dont on a un peu plus vu, mais qui sert pas à grand chose, comme Abraham. Ouais, mais Abraham commence une histoire avec Sacha, donc ça serait vraiment dommage de l'écrire là. Ah, justement, c'est ce que fait souvent The Walking Dead. Hein. Il commence quelque chose pour. Comme ça, si par exemple c'est Abraham qui meurt, Sacha va en souffrir, etc. En plus, elle a déjà eu d'autres personnes dans son entourage qui sont morts. Ça va rouvrir la plaie. Et dès qu'il y a comment un semblant de bonheur qui s'installe, ou en tout cas autre chose que l'horreur, c'est là qu'il y a un coup qui arrive et qui. Bah, dans ce cas-là, il met fin à ça. Tu tues le bébé de Maggie et puis tu Glenn, hein, clairement. Voir oui, Maggie, possible, Maggie, mais comme c'est. Comme on attend Glenn et que c'est. Glenn et Maggie, c'est des personnages importants, plus que. Abraham, je pense plutôt à lui ou Sacha. Allez, on a commencé à parler du final, donc on va se pencher rapidement sur ce final, pas trop longtemps parce que ça va bientôt faire une heure. Ce final, alors, beaucoup de débats, beaucoup de divisions, des pour, des contre, notamment des réactions au cliffhanger, on parlera du cliffhanger à la fin, hein, mais juste sur l'épisode en lui-même, moi je l'ai... Je l'ai beaucoup aimé, hein, juste jusqu'au cliffhanger en fait. Mais sinon, c'est un épisode que j'ai trouvé de bout en bout maîtrisé et j'étais plutôt content. Entièrement d'accord avec toi et j'ai aimé ce cliffhanger. J'avoue quand même, j'ai été un peu saoulé par leur comment dire, le fait de tourner dans une sorte de labyrinthe là. Tu sais pas où ils vont. Tu sais pas pourquoi ils partent aussi nombreux, surtout sachant que le reste, le groupe qui reste peut se faire attaquer. Donc moi ça puis après ils vont à gauche, bon bah c'est bloqué, ils vont à droite, c'est bloqué, bon bah on a très vite compris que toutes les issues vont être bloquées, donc ouais, c'était assez prévisible dans ce sens-là. On allait savoir où ils voulaient en venir surtout et qu'est-ce que le groupe de Rick allait faire. Et puis entendre ces sifflements dès le début de l'épisode, je me suis dit ok. Je sais pas vous, mais moi je me rongeais les ongles. Il y a une petite tension. Dès les sifflements, il y a une tension qui se met en place et la tension ne fait que monter à chaque passage. Parce que mine de rien, à chaque fois qu'ils arrivent devant un barrage, ils sont déjà de plus en plus nombreux, le barrage est de plus en plus élaboré, etc. Mais à chaque fois, il se passe un truc qui peut te faire penser que, enfin voilà, c'est la situation est extrêmement tendue et ça pourrait partir en vrille à chaque fois qu'ils rencontrent un barrage. Et à chaque fois, ça va de plus en plus loin, et on voit bien qu'ils prennent sur eux pour ne pas riposter, parce qu'ils sont en minorité, et du coup, ils préfèrent reculer. C'est la première fois qu'on les voit dans cette situation, et Rick le comprend dans cet épisode. Il a plus la main là. Il s'est fait baiser entre, enfin, clairement. Ouais, et je trouve aussi qu'il perd très vite en intensité. Sa confiance en lui, il devient tout tremblant. Le leader qui en lui s'évapore, mais on le voit se décomposer au fur et à mesure. C'est génial. Et dès le deuxième barrage, il a compris que c'est foutu pour lui, enfin pour le groupe, quoi. C'est pas génial, mais ça donne un peu une impression de quelqu'un qui est juste fort avec les faibles et qui dès qu'il y a un peu de compétition ou un peu de comment dire où qui se retrouve au pied du mur. Il n'est pas si capable que ça de protéger ou de donner l'impression aux autres qu'il va les protéger. Il est plus tremblant que tout le reste de l'équipe, quoi. Là, pour la première fois en face de lui, il a quelqu'un d'imprévisible, parce qu'il est clairement imprévisible. Negan et tout son groupe, ils sont voilà. Imprévisible. Il est le gouverneur, quand même. Et très intelligent. Le gouverneur, c'est une brute. Il fonçait dans le tas. On ne va pas dire qu'il mettait des plans très élaborés en place. Non, il voulait tuer tout le monde. Negan, parce qu'il met en place là sur tout le réseau routier et compagnie, oui, c'est vrai, quand même, c'est... Il montre là quand même que c'est quelqu'un de brillant, un fin stratège. Et là, Rick a trouvé, pour le moment en tout cas, plus fort que lui. Et il en prend vraiment un coup derrière les oreilles quand il s'en rend compte. Mmh. À un moment, il est blême, quoi, vraiment. Le moment où il s'en rend compte, il est... Pour une fois, il ferme sa gueule, c'est littéralement ça, c'est qu'il ne l'ouvre pas. Alors, sa limite, première phrase, c'est « we can talk ». Non, on peut plus. C'est ça. Non, mais et puis, il ne parle absolument pas, et il ne dit rien pendant tout le truc, il est juste en train de trembler, limite en train de pleurer. Et limite, c'est ce qui m'a choqué. Ça m'a gêné. C'est que... d'habitude, il va être le premier à se défendre les autres, et que là, quand Negan dit « je vais être obligé de tuer quelqu'un », il n'a pas pris ce rôle de chef et de leader en disant « sacrifie-moi, je me sacrifie pour le groupe », ce qu'il, d'habitude, il fait. Et là, ce n'est absolument pas le cas. Et alors là, limite, c'est pas que ça m'a choqué, mais ça, je le disais, c'est bizarre, c'est pas le personnage que j'ai juste aujourd'hui, c'est un petit garçon qui faisait dans son froc. Et c'est la première fois que Rick se met à genoux de lui-même, sans que ce soit quelqu'un qui le mette au sol. Ou... Plusieurs fois, on lui a demandé de se mettre à genoux, notamment le gouverneur, etc. Mais à chaque fois, il ne l'a pas fait, il y a quelqu'un qui derrière l'a poussé. Ou... Là, il l'a fait de lui-même. Et c'est un moment dans l'évolution du personnage qui est quand même hyper marquant. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis Negan entre en scène. Et on a droit à quoi ? 10 minutes un beau monologue, en tout cas. Ouais. De monologue. Un monologue, voilà, à la Negan, que on sent qu'il a été édulcoré, et à la rigueur, c'est un des seuls trucs qui peuvent m'intéresser pour voir la version DVD de ce monologue, parce que là, on va avoir le vrai Negan sans censure et avec ses fuck dans toutes les phrases et machin, et je pense qu'il prendra clairement une autre ampleur. Ce quart d'heure, alors, toi, tu dis on s'emmerde, Arnaud ? Oui. J'ai pas trop parlé de, mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit, tout ça, que il y a l'évolution de Rick et compagnie. Pour une fois, il rencontre quelqu'un de supérieur à lui, tout ça, d'accord. Mais pendant tout l'épisode, comme j'ai senti, comme disait Irish, on voit où ils veulent en venir. Au bout de 2-3 barrages, on voit où ils vont en venir. Ça devient prévisible. Et du coup, j'ai pas senti d'intensité montée, j'ai pas eu peur pour les personnages. Enfin, il y a vraiment rien qui, il y avait pas de tension qui a monté. Et tout le discours de Negan, justement, c'était censé être le point culminant de tout l'épisode et de toute cette tension qui s'accumule pendant le déroulement du plan de Negan. Et le moment où il arrive, ça devait être le gros climax. Et justement, comme tout le reste de l'épisode était prévisible et m'a empêché de m'inquiéter pour eux et d'avoir peur, de m'inquiéter et d'avoir cette intensité montée, du coup, le climax m'a été gâché et j'ai passé un quart d'heure ennuyeux avec un Negan qui... T'avais l'impression que... Enfin, moi, c'est... Du coup, à cause de ça, j'ai eu cette impression-là que pendant tout son monologue, il attendait, je comprends pourquoi ils ont fait ça, il parle pour faire monter l'intensité pour les personnages, ils ont de plus en plus peur, ils se demandent qui va mourir, mais ça tournait tellement en rond, c'était tellement un discours à rallonge que ça en a perdu de son efficacité, et j'en avais plus qu'envie de dire, mais putain ta gueule et commence à buter quelqu'un que l'épisode se termine. Je vais peut-être pas être totalement d'accord avec toi. Non, mais personne ne va être d'accord avec moi. Parce que moi, justement, j'aurais eu cette impression-là si, par exemple, à la fin de son monologue, il avait dit « bon, bah, je vais tuer l'un d'entre vous ». Mais au tout début, dès le début de son monologue, il t'annonce « je vais devoir tuer l'un d'entre vous ». Et donc, pendant tout le moment où il parle, je savais qu'il avait tué quelqu'un, mais je savais qu'il était imprévisible, mais il avait quand même déjà annoncé qu'il va tuer. Donc, tu te demandes qui est-ce qu'il va tuer. Et donc, il parle, il s'arrête devant chaque personne. Tu fais pas attention à ce qu'il dit. Peut-être tu fais pas attention à qui il dit, mais à chaque fois que sa batte arrive devant quelqu'un, non, pas lui, s'il te plaît, ou soit tu te dis, ouais, peut-être lui, ce serait pas. Quand sa batte arrive devant Eugene, tu dis, bah, désolé Eugene, mais bon, je préférerais que ce soit toi. Ou après, quand il part de l'autre côté, tu dis, ouf. Donc, moi, j'ai quand même eu, c'est encore, puisqu'en plus, je vous dis, je regardais un match de foot par-dessus, donc là par contre, je suis quand même resté. J'étais plus captivé par la série, par son discours, et avec dans ma tête, mais qui est-ce qu'il va choisir ? Et lorsqu'il s'arrête sur la personne, tu ne vois pas qui c'est. Ça m'a frustré un peu. Et je me suis même dit, oh, ils font chier, parce que j'ai eu cette sensation d'obligation à regarder la saison prochaine. Donc la saison non, le premier en tout cas. Oui, le premier, oui, le season premier. Mais bon, tu sais comment ça marche ces trucs-là, hein, généralement. Et c'est un truc qui m'énerve profondément, c'est que quand ils s'arrêtent comme ça en plein fin de saison, quand ils vont reprendre la saison prochaine, ils seront, je sais pas moi, tu vas les retrouver dans leur appartement tranquille, en train de cuisiner. Et ils vont mettre deux épisodes à te dire ce qui s'est passé vraiment. C'est pour se garder, hein, c'est le but des séries. Après, justement, parce que moi, personnellement, ce que j'aime dans les séries, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils te mettent un gros cliffhanger et que tu as juste envie de voir la suite et tu es juste très frustré, certes, mais c'est Je sais pas, pour moi, c'est ce qui fait que les séries étonnantes, c'est bien, c'est d'avoir envie de voir la suite, quoi. Alors, si on comprend bien, tu aimes les frustrations. Bah, ça dépend lesquelles. J'avais... Bon, on va le reprendre plus tard. Je vais juste dire pourquoi, moi, j'ai trouvé ce cliffhanger merdique, il n'y a pas d'autre mot. Alors qu'il y a 10 ans, j'aurais adoré. J'aurais adoré il y a 10 ans et je trouve merdique cette année. Parce qu'on saura avant septembre. Oui, ah, sur le tournage. On est dans un monde où on n'arrive plus, à garder un secret. On n'arrive plus. On cherche à faire du teasing, à faire du buzz, et on n'arrive plus à garder un secret. S'ils arrivent à le garder jusqu'au bout, je serai le premier à dire que j'ai eu tort et que du coup, ce cliffhanger sera devenu très bon. Parce qu'on aura attendu tout l'été, on n'aura jamais su et on l'aura vu au retour. J'espère que ce sera le cas. Hein. Il y a plein de séries, il y a plein notamment les dramas qui terminent sur des gros cliffhangers en fin de saison, etc. Et on attend avec impatience la saison suivante pour revenir. Et c'est, je suis d'accord avec Elodie, le but d'une série. Mais on est dans un monde maintenant où la communication et où les fuites sont hyper rapides. Et je suis quasiment persuadé qu'on saura avant la fin. Et je suis persuadé pourquoi ? Parce que déjà cette semaine, il y a deux personnes qui ont été éliminées du tableau. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Non. On nous annonçait qu'à la rentrée, on saurait de quoi souffre Maggie. Ok, c'est pas Maggie. Et à la rentrée, la relation entre Carl et Negan sera développée. Ok, c'est pas Carl. Non, alors moi j'ai lu des trucs là-dessus. J'ai lu des trucs là-dessus sur la relation qu'apparemment dans les comics, la relation était développée et qu'il y allait avoir ça dans la prochaine saison, mais que ce ne serait pas forcément avec Carl. Ah, moi j'ai lu que c'était avec Carl. Mais après, ils ont tellement parlé que... Après, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Apparemment, même les acteurs ne savent pas qui va mourir. Oui, ça, j'ai du mal à y croire. Ça n'a pas été tourné, donc a priori, pourquoi pas, même si j'en doute. Mais je même. Il y en a un qui le sait. Mais... Aujourd'hui, oui, en même temps, aujourd'hui, il y a des paparazzi partout. C'est l'une des séries qui fait le plus de buzz. Donc, ils vont tous aller sur le tournage pour essayer d'avoir des clichés. Et donc, forcément, il y a un moment, on risque de le savoir à cause de ça. Et ça a été le cas pour Glenn cette année. Oui, et même. Si... Attends, pareil. C'est des acteurs, ils doivent travailler. Donc, si l'acteur ou l'actrice qui n'est plus dans la série, elle va devoir retrouver un autre boulot, donc il va y avoir une annonce de casting avant octobre. On va nous annoncer que tel acteur ou actrice a été ajouté dans une autre série. Donc, tu vas te dire, cette personne-là, elle a plus de temps, elle est plus sur le tournage, elle a plus de temps, donc elle va avoir ailleurs. Donc, c'est cette personne-là. Et même après, comment ils vont faire pour la bande-annonce aussi? À un moment, qu'on verra pas beaucoup, quasiment pas dans la bande-annonce. Non, mais les bandes-annonces, à part leur trailer, ils mettent une seconde de chaque personnage et c'est bon. Hein. Je pense que la suite, ils vont pas se chercher. Ils ont mais dit alors, je suis pas du tout d'accord parce que. Pour les bandes-annonces, les trailers et teasers de la saison prochaine seront basés sur des flashbacks de cette fin de saison. D'accord. Mais alors, même ça enlève pas les deux autres arguments des paparazzi et des annonces casting. Oui, et si les showrunners et tous ont envie de garder cette surprise, alors soit ils prennent l'option et ils la dévoilent, parce que j'ai vu ça aussi cette semaine, comme quoi peut-être qu'ils la dévoileront eux-mêmes de plein gré aux journalistes, la personne qui sera morte cet été. Donc soit ils prennent cette option-là, ce qui serait quand même décevant, hein, je l'avoue. Ça serait un scandale. Il pourrait ne pas le prendre et dire on veut garder cette surprise, et dans ce cas-là les contrats des acteurs peut-être que iront plus loin que juste t'es mort donc ton contrat se termine, peut-être qu'ils ils vont les faire venir sur le tournage même s'ils font rien, j'en sais rien, tu vois, ils sont peut-être payés. C'est une série qui rapporte tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre de payer un acteur pour rien faire pendant une demi-saison. Moi je pense que les trailers gâchent pour rien, et je pense que s'ils veulent après ils vont pas tourner, on le saura sûrement peut-être dès les premiers épisodes qui seront fin septembre début octobre. Donc ils auront tourné quoi? Ils n'auront pas tourné toute la saison, Ben oui, c'est une saison, je me pose souvent, est-ce que les séries sont tournées en une seule fois et après à se tourner au fur et à mesure? C'est par bloc. Le tournage va débuter cet été. D'accord, ok. En juin, je crois, fin mai, début juin, je crois. Ouais. J'ai vu une théorie, après, peut-être les tirer un peu par les cheveux, qui parlait de Carol et le fait qu'elle était devenue aussi incontrôlable ou... le fait qu'elle soit partie en live, et ça disait que peut-être qu'elle avait donné un truc à Maggie, elle avait en quelque sorte empoisonné Maggie, ce qui obligeait dans l'équipe à se déplacer, c'est pour ça qu'ils ont tué le docteur en quelque sorte, qui obligeait l'équipe donc à se déplacer, donc avec le camion et tout, et donc qui permettait de mettre cette embuscade en place. Donc Carol serait une taupe entre deux. Pas une taupe, mais... Elle a tué les autres mecs de Negan, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intérêt pour vous faire ça Justement, si vous vous souvenez, dans l'un des épisodes, quand elle est retenue prisonnière avec Maggie, elle est isolée pendant un moment. Et il est possible que, et la façon dont elle tue tous ces gens-là en étant un peu, mais vraiment hors d'elle, ou cette façon qu'elle a d'avoir l'impression de perdre totalement le contrôle, et peut-être que l'une des contreparties pour elle, ça avait été peut-être qu'on laisserait peut-être l'équipe tranquille ou ce genre de choses, ou peut-être on tuerait pas la majorité de l'équipe. Ce qui peut expliquer aussi le fait qu'elle décide de partir totalement parce qu'elle ne se sent plus appartenir à cette communauté. Ou à la rigueur, ça serait une manière à la rigueur d'expliquer son pétage de câble de fin de saison, et pourquoi pas, même si je trouverais pas ça forcément très bon. Oui, mais... bon, c'est une théorie. Parce que subitement, Maggie est la mal. Et parce que ça tombe bien le mal de Maggie. Il n'y a plus de médecin, il n'y a plus de docteur, et ils sont obligés de la trimballer partout peut-être, il y a peut-être, en effet, il y a peut-être une taupe à l'intérieur, qui sait, ce serait peut-être, enfin, pourquoi pas un autre personnage, hein. Ce serait peut-être la petite jeune qui est restée avec Maggie justement ce jour-là. Ou... Oui, c'est vrai qu'elle aussi elle est bizarre. Bref, oui, je suis pas sûr qu'il part dans cette direction, mais pourquoi pas. Mais juste pour revenir moi sur le final, voilà, moi toute la scène de Negan qui apparaît, son monologue, moi j'ai trouvé ça voilà, vraiment une tension mais palpable. Je me rongeais les ongles, hein, clairement. Sur le Amstramgram, je pense qu'on... Bon, il était très charismatique, voilà, il maîtrisait sa scène, voilà, il était très très bon. Freddy Morgan est très très beau en méchant, moi je l'adore, quand il a des rôles de méchant. Pas de souci, il était vraiment très bon. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve qu'il ressemble excessivement à Javier Bardem? Ah, on avait cette discussion hier soir, justement, on est tous d'accord là-dessus. Ah, d'accord, ok. Oui, l'acteur... Jeffrey Dean Morgan, quoi, il a toujours eu cette tête. Oui, non, mais bien sûr, mais moi j'ai toujours trouvé qu'il ressemblait à Javier Bardem. Il y a un petit air, oui. Et donc voilà, après le fait qu'on ne sache pas qui meurt, personnellement ça ne me dérange absolument pas. La question c'est, est-ce qu'ils vont avoir le cran de tuer un des personnages principaux? Donc est-ce qu'ils vont suivre les comics et tuer Glenn? Est-ce qu'ils vont tuer un autre? A priori ce ne sera ni Carl ni Rick, vu la dernière conversation, il a l'air de les mettre un peu à part, juste avant d'utiliser sa base, d'utiliser Lucille. Il veut mettre Drick plus bas de terre, donc c'est pas sûr qu'il va le faire. Voilà, limite il aurait tué Carl ou il tuerait Michonne, qui serait logique pour mettre Drick plus bas de terre. Voilà, après il est pas censé savoir que Drick est avec Michonne. Ensuite, s'ils veulent mettre des personnages dont on n'a rien à foutre, en effet, pour moi il tuerait Aaron ou Jean sans souci. Mais pour moi, il y a encore une scène marquante de Carl qui n'a pas eu lieu et ça serait dommage à s'en priver. Ouais. Mais après, moi personnellement, enfin, je sais que s'il y a des spoilers qui sortent, je n'ai pas envie de les lire, quoi. Je préfère me garder la surprise pour la série reprendre. Donc voilà, moi je me suis senti arnaqué avec ce cliffhanger parce que effectivement, voilà, beaucoup de promesses, beaucoup de tensions, etc. pour finir en fait sur rien. En plus, sur un truc assez dégueulasse visuellement, ces dernières 30 secondes là, avec le sang qui dégouline sur la caméra, là c'est quand même visuellement assez moche. En fait, il a tué le caméraman. C'est ça. Et du coup, je me suis senti arnaqué. Ça fait un peu mal, j'ai vraiment peur qu'on le sache avant le retour. On saura avant. Si on le sait avant, je vous fais un dossier gros, je vous l'avais bien dit. À la rigueur, Sid. Peut-être qu'il pourrait dévoiler un nom, mais est-ce que ce serait le vrai? C'est ça. Moi, j'ai lu qu'il voulait le dévoiler avant, mais... Oui, mais au final, ils peuvent dévoiler ce qu'ils veulent, ça se trouve, ce ne sera pas ça. On verra. Moi, j'espère qu'on gardera le suspense jusqu'à après. Moi, c'est ce que j'espère. En effet, je serais déçu si on le sait avant. Après, personnellement, je vais éviter de lire tout ce qui est théorie. Je vais éviter de lire... vraiment ils annoncent un nom, je pense que c'est inévitable. On voit des trucs basés sur des clignements de paupières et des riens, parce que quand on regarde la scène et qu'on lit les théories... Si les acteurs ne sont pas au courant eux-mêmes, je vois pas comment le public peuvent deviner ce genre de choses. Je pense que seul celui qui y passe le sait. Parce que je pense qu'on a quand même un qui le sait, c'est celui qui y passe. Apparemment, il n'y a que Daryl qui sait qu'il meurt, donc me dis pas ça. c'est la meilleure manière que ce soit bien gardé. C'est qu'il y en ait un qui sache, c'est celui qui va partir, ne serait-ce pour qu'il puisse après justement commencer. Au contraire, justement, pour qu'il n'y ait aucune fuite, pour qu'il évite de chercher du boulot ailleurs, il n'est pas au courant. Et comme ça, aucune révélation. Non, mais ils lui disent, voilà, c'est toi qui pars, mais tu partiras qu'à la mi-saison, parce qu'on va te payer jusque-là, parce que tu vas faire des flashbacks ou je sais pas quoi. Il faut faire les flashbacks, il faut qu'il reste sur le plateau. Hein, donc, Mais sache que tu pars. Ouais. Bref, de toute façon, on ne saura pas, et j'espère qu'on ne saura pas jusqu'au bout, auquel cas je changerai peut-être d'avis sur ce cliffhanger. En tout cas, pour le moment, je ne suis pas satisfait. Moi, je voudrais dire, ma conclusion là-dessus, c'est que je suis, au final, très triste que la série soit déjà terminée. presque, parce que la deuxième moitié de saison était vraiment cool. Ah oui, c'est un des premiers trucs que je regardais le lundi, voilà. Et ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé avec cette série. Et du coup, ce final était tellement parfait que de voir un corps à terre à la fin et voir savoir qui c'est, etc., et pouvoir être choqué ou surpris ou je sais pas, enfin, il m'a manqué ça. Bah moi je trouve que j'étais dans un état quand même à la fin de l'épisode. Parce que moi j'attendais, voilà, moi c'était l'épisode où Glenn meurt. Depuis le début de la saison, pour moi ça y est, c'était l'épisode où Glenn meurt et ouais, je me suis préparé à ça toute la saison. Tu as dit toi-même qu'il faut rarement les mêmes morts. Bah justement, c'est le meilleur moyen de surprendre les gens en faisant pour une fois ce que le comics a dit. Puis ils l'ont teasé en plus. Ils ont teasé sa mort justement dans l'épisode où il s'infiltre chez les Saviors pour les tuer. Oui, parce qu'il voit les photos avec les mecs qui ont été fracassés par Lucille. Et du coup, quelque part, pour moi, il a vu son destin. Alors qu'en fait, peut-être pas au final, mais bon, on verra. Voilà, c'est un personnage que j'adorais dans les comics. C'est une mort qui m'avait vraiment marqué à l'époque où c'était sorti. Et voilà. Donc du coup, voilà, c'était pour moi le grand final de Glenn. Et en fait, il n'est pas vraiment fini, quoi. C'est pas fini. Bref, on va s'arrêter là, puisqu'on a dépassé l'heure maintenant. On va essayer de se dépendre un peu sur la durée. Juste petit message de service, oui, j'ai bien annoncé que c'était le 51e comme sur nos écrans au début de l'émission, c'est normal, le 50e arrivera après. Après tout, on peut aussi se faire plaisir et inverser l'ordre des émissions. On se retrouve la semaine prochaine pour un mag et pour sur nos écrans qui sera peut-être le 50e. Allez savoir. En tout cas, d'ici là, bon Fear the Walking Dead, puisque ça y est, on est parti pour Fear the Walking Dead. Mm-hmm. Ça motive moins les foules, d'un coup. Hein. Bah, moi, en effet. Moi, ouais. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Au revoir.